Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. On me demande de chanter moins de grossièreté parce qu'il y a des enfants, apparemment. Bon, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a... Il y a des enfants, mais est-ce qu'il y a des étudiants ce soir? Ok. Ben, allez vous faire enculer aussi. Des soirées étudiantes, ben elles sont chiantes. Vous faisiez rien qu'à boire et vous droguer. Ah ouais, trop cool, mon pote, il a vomi. C'est pas cool, c'est juste un abruti. Et le lendemain matin, t'es bon à rien. Et tu t'en vantes à tous tes copains. Tu sais plus ce que t'as fait, tu t'esclaves. C'est pas l'envie qui manque de te foutre des baffes. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Tu dépenses ton pognon comme un jeune de droite. N'empêche que toute la semaine tu bouffes des pâtes. Mais ce sont tes parents qui te filent des ronds. Ils se privent pour toi, tu t'en fous, t'es trop con. Et puis tu sais pas penser par toi-même. Si t'aimes un truc, c'est parce que tes potes l'aiment. Tu défends les petits groupes de rock psyché. Tes dents, je vais te les arracher. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Et puis t'ouvres ta gueule sur tous les sujets. T'es toujours obligé de la ramener. À 20 ans tu fais le mec qui a tout connu. J'ai qu'une envie, c'est de foutre mon pied dans le cul. Puis en politique t'es vachement impliqué. À toutes les manifestations tu y es. Sauf le week-end, faut pas déconner. Le week-end tu vois tes potes pour picoler. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Enculé d'étudiant de merde. Merci Argelès. Vous êtes un public formidable. Vous aurez bien entendu reconnu cette chanson d'Ephelo, du groupe Ephelo et les extraterrestres.